C'est le Blitz NFL. Salut Hugues! Salut C'est Denis, pas ça le va Blitz bien? NFL, mais on était en grande discussion avant de rentrer en onde, fait que sur sur la vie en général et sur la COVID, ce qui fait jaser énormément. Hugues, on va parler de la NCAA en fin de semaine. Écoute, moi, ce que j'ai remarqué le plus possible, on va parler de ce qui, du côté de Coastal Carolina. Moi, écoute, c'est une université que j'avais jamais vue. Je sais pas si t'as écouté le Oui. match, j'étais à Oui, ESPNU, oui. on a piraté, nous autres, on est des pirateux, Oui. on gêne pas pour le dire, on n'est pas gêné, ils ont rien qu'à le mettre au Canada, puis c'est tout. On est en, hein? Donc, et moi, je reviens pas de cette petite université-là. Hey. C'est une histoire. Oui. Écoute, il y a quelques années, il était en Division 2, là, il arrive en Oui. Division 1, et écoute, faut que tu te ramasses là. Faut que tu aies quand Oui. même, faut que tu aies un bon recrutement, faut que tu aies. Puis ils ont pas grand moyen, là. C'est vraiment une belle histoire, les Coastal Carolina, là. Ah oui, absolument. Puis comme tu dis, c'est sûr que c'est une université qui a pas, qui a vraiment pas de moyens, en fait. Je sais pas si tu as vu la dernière drive du match, par exemple, Non. J'ai écouté ça jusqu'à la toute fin. écoute, 30 secondes à faire, récupère le ballon à la zone début, puis Zach Wilson, qui connaissait pas son plus gros match, là, mais qui sortait une bonne défense, en 30 secondes, là, 4-5 passes, a amené ça à la porte début, à la ligne de 15, et puis là, a tenté une dernière passe, et puis ça a été capté. À la ligne de une verge, puis le gars pas réussi à rentrer dans la zone de début. Ça ressemblait un peu à la limite là, au jeu Tennessee contre les Rams de Saint-Louis à l'époque au Super Bowl. Là, tu sais, OK. quand il est arrivé, écoute, une super belle drive. Et même si BYU a perdu le match, quand tu voyais cette dernière drive-là, tu peux pas t'empêcher de dire, si j'étais un club de la NFL, j'haïrais pas ça avoir Zach Wilson comme Ah là, je le carrière vois avec les titulaire. pattes. D'ailleurs, je les vois toutes Ah! avec les pattes. Là, je les vois toutes avec les Oui! pattes. C'est ça le problème, Oui! c'est que Mais écoute, je vois Justin Fields, je le vois avec les pattes. Je vois Zach Oui. Wilson, je le vois avec les pattes. Je vois Kyler Oui. Trask, je le vois avec les pattes. Et vous, le problème, c'est qu'ils Écoute. peuvent pas toutes avec les pattes. Non, non, mais je peux te dire une chose, là, c'est une année où il va y avoir énormément de profondeur au poste de quart. Moi, c'est le meilleur. Écoute, c'est sûr qu'on peut. C'est dur de faire des prédictions cet après-ci, mais j'ai rarement vu autant de Est-ce que c'est quarts. le meilleur repêcheur depuis Big Ben en 2004? Big Ben, Eli Manning, Oui. il y en avait eu d'autres. Philip Rivers, c'est-tu le meilleur? Oui, ben je veux dire, en termes de prospects, moi, c'est le meilleur que j'ai vu, puis d'assez loin. Tu sais, d'habitude, quand tu as deux ou trois valeurs sûres au poste de carrière, c'est beaucoup dans un repêchage. Souvent, tu en as moins que ça. Mais cette année, je te dirais, il y en a cinq ou six là qui sont vraiment du gros, gros calibre. Tu sais, même écoute, Lui même Kyle de. Trask, tu sais, même Mac Jones avec Alabama est super bon. C'est pas des grandes vedettes, mais c'est des gars qui placent le ballon exactement où ils veulent, qui savent lire une défense, puis qui font des gros jeux. Trey Lance, qui est un gars de On n'a deuxième entendu parler pantoute, division, est lui. très bon. Ouais, puis lui, il est en train de glisser, là, parce qu'il y en a d'autres qui se signalent cette année, mais c'est un gars qui est fantastique aussi. Il y en a, écoute, tu commences à la tête avec voyons, excuse-moi, avec Lawrence. Après ça, tu as Fields qui est fantastique aussi. Tu as Trask qui est en train de connaître une saison qui est statistiquement meilleure que celle de Joe Burrow l'année passée. Je dis pas qu'il est meilleur que Burrow, là, mais Zach Wilson est incroyable. Trey Lance a beaucoup de potentiel. Puis même, comme je disais, Mac Jones avec Alabama, je ne sais pas si lui va se déclarer, il va peut-être décider de continuer une année de plus, mais il est très, très bon lui aussi. Alors, tu vas te retrouver en deuxième ronde avec des gars. Tu sais, ça se peut que tu aies la chance de voir un genre de Russell Wilson glisser un peu parce qu'il y a trop de bons prospects à la tête du pro. Tu sais, c'est une bonne année pour repêcher un corps arrière. Ben, moi aussi, je les vois tous avec les Patriots en passant, là. Mais je pense que Zach Wilson. Oui. On n'est pas un partisan des patins. Non, oui. Zach Wilson serait peut-être mon pro. Parce que c'est sûr que Lawrence et Fields ne sont pas accessibles, là. Mais si Zach Wilson glissait un peu, ça serait peut-être Zach mon Wilson, choix. Je mais. l'aime beaucoup. Alors, Ah, il est c'est bon, une pas à année peu que près. les Pats doivent repêcher un carrière. Écoute, Belichick, on a souvent dit, surtout que j'ai semble pas avoir confiance en Jerry Sillon. On va revenir plus tard. Donc, Oui. c'était le match que j'ai regardé. Coastal Carolina, De la fin de pour revenir semaine. pour Oui. Coastal Carolina, c'est incroyable le travail qu'ils ont fait de Oui. recrutement, de tout ce que tu voudras pour passer de la première à la deuxième division. Pas même passer de la deuxième à la première division, mais performer aussi. Arriver dans le top 25, c'est pas facile, là. Donc, Non. c'est tout un travail fait par l'organisation de Coastal Carolina, qui a un terrain vert-bleu, un peu comme Boise State à l'image. Pourquoi ils font Oui. ça? C'est du synthétique, hein? Oui, écoute, c'est que, en fait, je pense qu'il y a pas mal d'universités qui s'amuseraient à faire ça, mais ils ont passé un règlement qui interdit aux universités de mettre une autre couleur que le vert, sauf ceux qui ont déjà un droit acquis. C'est que Boise State avait ça, eux autres, ils l'ont aussi, donc ils ont le droit. Puis je sais qu'en deuxième division, tu as Eastern Washington, le terrain est rouge, c'est assez spectaculaire aussi. Mais à part ça, tout le monde est obligé parce que par règlement, ils n'ont plus le droit de changer la couleur. Ok, Donc, on va oui. y aller rapidement avec les matchs également. Écoute, moi j'avais hâte de voir Wisconsin contre Indiana. J'avais hâte Oui. de voir comment Indiana allait s'en remettre de la blessure de Michael Pipix, et ça a quand même bien été pour son successeur Burger, c'est ça? Oui. Qui a pas fait grand chose quand même, Jalen Burger, mais non, c'était pas Jalen Burger, excusez-moi. Non, c'est un plateau. Tato, ouais, qui a pas fait Jack d'erreur. C'est ça Plateau, qu'on oui. se demande souvent un Non. corps arrière remplaçant. Fais pas d'erreur. Oui, ben écoute, on pourra, Fais pas grand quand on erreur, va fais parler perdre de la le match. NFL Ouais. tantôt, on pourra voir avec les Patriots comment gagner un match quand ton corps lance pour 69 verges. Ouais. Mais oui, effectivement, 130 verges par la passe, mais deux passes de toucher. Mais il a pas fait mal à son équipe. Puis c'est toujours un peu ça, Indiana, hein? Il gagne des matchs en étant très discipliné. Je suis un peu surpris qu'il ait réussi à battre Wisconsin quand même. Les Badgers avaient donné une bonne impression au début de saison, mais là, ils sont 2-2, donc ils sont peut-être pas si forts que ça, mais je pense que c'est plus une question qu'Indiana a vraiment une bonne équipe cette année. Ah ouais, ils ont vraiment une bonne équipe. Ils Donc, devraient, donc, de mon très avis, fort. ils devraient facilement. Ils ne participeront pas aux éliminatoires, mais par contre, ils vont participer à un Non. gros bowl du 1er janvier. Probablement. Si on est en lutte pour le Oui. Rose Bowl, c'est pas compliqué, là. Ils devraient être au Rose Bowl, même ça. Normalement. Oui, il y a des bonnes. Oui, tout à fait. Il y a des bonnes chances qu'ils Dépend. soient Oui, même au Rose absolument. Bowl. C'est le premier du Big Ten qui va là contre le premier du Pac-12. Mais par contre, étant donné qu'Ohio Oui, State va oui. être dans les éliminatoires, ça va mettre normalement, si tu je me trompe, mais ça va mettre. Ça va les mettre premiers, c'est ça? Oui, non, absolument. Donc, ils pourraient effectivement être les représentants. Si Ohio State est en éliminatoire, c'est qui devrait être le cas, sauf que ben, Ohio State a fait un pas de plus en jouant son match. Donc, eux, c'est pas. On sait qu'ils vont gagner leur match parce qu'ils sont. C'est une équipe très puissante, mais il faut qu'ils aillent jouer 6 matchs. Donc, là, le prochain match, c'est contre Michigan. Ils doivent le gagner. Ils doivent surtout pouvoir le jouer pour avoir leurs 6 matchs qui va leur donner accès à la Ils finale vont du jouer contre Big Mich Normalement, ils vont 10. jouer contre Michigan si le match est pas remis, encore une fois, à cause de la maudite COVID, comme qu'on appelle. Ben oui, oui, puis ben parce que eux, ça leur ferait mal, là. Tout le monde sait que c'est une Ben oui. équipe qui devrait être en playoff, mais s'ils jouent juste 5 matchs, ils feront pas la finale du Big Ten, puis là, ils pourront pas être en série. Le comité va pas les nommer en série. S'ils ne gagnent pas le Big Ten, alors il faut absolument qu'ils jouent ce match-là. Ouais. Deuxièmement, ben on va revenir sur le match Coastal Carolina contre. Oui. Je l'ai vu une grande partie du match. Jack Watson était bon, mais il y a eu de la difficulté quand même dans ce match-là. Oui, absolument. Tout à fait, ça a été son match le plus difficile, mais je pense que Coastal Carolina jouait de la grosse défense. C'était une bonne équipe. Alors, ça a été un match plus difficile. Sans être mauvais, il n'a pas été aussi dominant, mais comme moi, ce qui m'a impressionné, c'est comment il a pu mettre tout ça derrière lui pour réussir une dernière drive incroyable et puis quasiment gagner le match, là. En fait, lui, il avait tout fait pour gagner le match, là. C'est son receveur de passe qui n'a pas réussi à. Mais je veux dire, ça, c'est impressionnant, un jeune carrière qui est capable de faire ça. Mais je pense que Coastal Carolina, en général, avait la meilleure équipe. Ah, ouais. Très impressionnant. Ouais, effectivement. On va y aller avec la NFL. J'ai regardé, écoute, le match de. Écoute, j'ai été à les Browns de Cleveland qui ont lancé un message, hein. Un gros Oui. message à propos de ça. On pensait pas qu'ils pouvaient gagner ce Ouais. genre de match-là. Écoute, en passant, ça finit 41-35, là. Mais pour ceux qui n'ont pas vu le match, ça n'a rien à voir. C'était pas serré comme ça. C'est des points réalisés à la toute fin du match, mais les Browns ont dominé d'un bout à l'autre de ce match-là contre Tennessee. Baker Mayfield a joué son meilleur match de la saison. Il a vraiment été solide, Mayfield, dans ce match-là. Il a joué comme on l'avait vu faire lors de sa saison recrue. Puis moi, ça me ramène toujours. Il y a eu des matchs statistiquement plus difficiles à cause du mauvais temps dernièrement, là, parce qu'ils ont joué certains matchs dans de la température très difficile. Mais moi, je continue à me demander si ce gars-là n'est pas meilleur quand Beckham Jr. joue pas. Parce qu'il est libéré de la pression de toujours regarder dans la direction de Beckham Jr. Il est plus en contrôle, il a l'air d'avoir plus de fun aussi. Puis là, ben écoute, il s'est amusé puis il a joué un match incroyable. Écoute, si Cleveland joue comme ça, c'est une équipe que tu veux pas affronter d'ici la fin de la saison. Parce que c'est un club assez complet. Ils peuvent courir, ils peuvent passer. Puis ils ont quand même une bonne défense. Et puis là, ils ont vraiment marché sur Tennessee. Alors, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Il est trop tard pour eux pour aller chercher le championnat de la division, mais probablement parce qu'ils ont deux matchs de retard sur les Steelers. Mais comme meilleur deuxième, c'est un club qui pourrait être fatigant en série. Là, ils ont très bien joué. Franchement, là, s'ils jouent comme ça tout le long, ils vont être difficiles à battre en série. Effectivement, effectivement. Les Steelers, oui. C'est le facile de la fin de semaine. Je suis pas surpris du tout. Ils jouaient mal. Je suis surpris qu'ils aient perdu. Mais qui est perdu contre les Redskins de Washington, ça c'est surprenant, mais en même temps, il joue, on l'a dit, non, c'était avec Tony, j'ai parlé mardi de ça, vendredi. Écoute, moi, c'est une équipe qui jouait pas pour comme une équipe invaincue. Non, Puis c'est, c'est ça. absolument. Ouais. Absolument. C'est pas une équipe qui jouait à si haut niveau que ça. On sentait que leur fiche parfaite, peut-être que ça leur... Puis souvent, les équipes qui ont des fiches parfaites, ils peuvent connaître un petit down hein, quand ça se met à perdre. Là. C'est peut-être ce qui va arriver parce que c'est une bonne équipe, mais honnêtement, non, ils jouaient pas à ce niveau-là. De l'autre côté, on a beaucoup ri de la division nationale Est, mais là, les Giants battent les Seahawks et les Redskins battent les Steelers, alors ça devient plus sérieux. Et j'avais le goût d'écrire à un moment donné un papier, Danny, avec une chose à surveiller dans chaque division. Okay. Ce qui m'avait donné cette idée-là, c'était, j'ai pas eu le temps de la faire, peut-être que je le ferai, là, mais ce qui m'avait donné cette idée-là, c'était le fait de dire, tu sais, même dans la NFC Est, s'il y a une chose le fun, c'est le retour d'Alex Smith. Puis, je veux dire, il y a personne qui serait pas heureux de voir Alex Smith à quelque part, peut-être gagner ouais, même sa division. Ça serait fantastique, là. Ouais. Hier, il était la bon. La médecine sportive, comment ça a changé. Tu te rappelles l'épisode de Joe Theismann, comment que c'était... Oui. C'était incroyable, hein? Oui. Fait que... Hey, puis là, il, non seulement il est capable de marcher, ce qui était loin d'être ouais. évident, mais en plus, il a joué à un très bon niveau. Il a l'air de s'amuser, puis écoute, on s'amuse avec lui. J'aurais jamais pensé, honnêtement, voir les Redskins. Les Redskins se faisaient planter en première demi. Je pensais que le match était fini. Ben, c'est sûr, et puis on est revenu à la fin. Marqué un placement, puis c'est ça qui a fait la différence, à mon avis. Oui, absolument. Il faut que... Une victoire fantastique, celle-là. Puis aussi, Danny, il faut parler de celle des Giants ouais. contre les Seahawks. Hey, la grosse défense, et puis... les Giants, comme les Redskins, ils ont une qualité en commun, c'est qu'ils ont ces deux équipes, c'est pas nécessairement des grandes équipes, mais c'est deux équipes qui ont une très bonne ligne défensive. Les Redskins, on le sait, là, c'est à peu près tous des choix de première ronde, ça, la ligne défensive. Mais les Giants aussi ont quelques très bons joueurs, ils ont un front défensif qui est solide, et puis ils ont vraiment embêté Russell Wilson et puis les Seahawks. Ils ont joué de l'excellente défense, puis écoute, j'en reviens pas qu'ils aient réussi à gagner ce match-là avec Colt McCoy comme corps arrière. Donc, écoute, eux aussi, c'est une équipe qui commence à jouer mieux. Alors, autant les Redskins que les Giants, on s'entend qu'il y en a juste une des deux qui va participer aux séries, là, parce que celle qui gagnera pas la division va être éliminée, mais honnêtement, ça commence à jouer du meilleur football. Il faut se méfier de ces deux équipes-là. Ouais. Les Rams qui ont battu les Cars oui. qui n'ont pas arrêté leur chute. Non. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut quand même. Je pense que les Cards, Oui. ça va être très, très difficile pour les Cards. Ça va être difficile. Écoute, par contre, là, on avait effleuré, je ne sais pas si tu t'en souviens, le sujet la semaine passée, mais on est dépassé l'action de grâce, puis on dirait que les équipes qui ont trop bien débuté la saison, comme Las Vegas et puis les Cards, qu'on s'attendait peut-être pas à voir là, commencent à montrer leur vraie couleur, là. Je dis pas que les Cards sont pas bons, mais je dis juste que les voir flirter avec les premiers rangs de la NFL, ça m'avait surpris beaucoup, là. Je m'attendais pas à ça. Je trouvais qu'ils n'étaient pas rendus là. Puis là, on voit un peu que cette équipe-là, quand l'offensive produit un peu moins, ils sont pas capables de gagner des matchs. Ils peuvent gagner juste d'une façon. C'est quand Kyler Murray lance pour 350 verges puis qu'il court pour un autre 100 verges. Tu sais, j'exagère, là, mais. Puis quand ça arrive pas, cette équipe-là n'est pas capable de gagner des matchs. Alors, c'est une équipe qui s'en va vers le haut, mais je pense qu'ils sont pas encore rendus à participer aux séries. Là, je veux pas trop réagir, mais je pense qu'ils sont pas rendus là. Les Puis matchs. j'ai effleuré les Raiders, juste mais Greg quand il Williams qui a arrive perdu le son poste jeu. en passant, c'est quelque chose que je voulais Oui, parler. Greg oui. Williams qui a perdu son poste. J'ai pas vu le match là, comme tel, là, mais semble-t-il que Ah, écoute, c'était. non, je le suivais, moi, parce qu'une défaite aurait voulu dire beaucoup pour les Patriots. Qui ont faut pas oublier que les Patriots ont le tie-break contre les Raiders pour les avoir battus plus tôt cette année. Puis écoute, les Jets avaient le match en main. Et puis, écoute, un horrible jeu. Écoute, tu peux pas courir à un contre un sur le dernier jeu du match comme ça. Ruggs a battu le demi-coin, puis il s'est retrouvé. Écoute, ça faisait aucun sens. Et puis, je pense que les Jets n'avaient pas le choix de poser le geste qu'ils ont posé parce que, je vais être honnête, là, ça avait l'air organisé pour perdre le match, là. Je suis pas adepte, là, mais je regardais ça puis je disais, voyons, ça se peut pas, ils ont fait exprès, tu peux pas. Et je pense qu'en posant ce geste-là, c'est plate, mais en même temps, ça démontre que l'organisation disait, écoutez, nous, on n'a pas sciemment essayé de perdre. Est-ce que ça va convaincre les fans? Je ne sais pas. Mais c'est une drôle de Bon, façon de c'est perdre le match. correct. Moi, en tout Oui. cas, tant qu'arriver, tant qu'être dans le cadre, pourquoi se priver? Quand t'es encore Oui. dimensionnel comme Trevor Lawrence, moi, go. Si t'inquiète dans le cadre. Hey, je veux te parler des Oui. Pats en terminant. Les Oui. Pats Oui. 45 à 0, c'est. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Deux touchés des unités spéciales. Hein? Hey, Cam Newton Deux encore touchés des unités. moyen, Oui. très moyen Ah, encore ben, une écoute. fois. C'est-tu parce qu'il n'y a pas de Pas moyen, receveur? mauvais. Il a été mauvais 69 verges par la passe. Ouais, mais c'est-tu parce qu'il n'y a pas de receveur ou c'est parce qu'il est mauvais ou les deux? Ben, regarde, je vais t'expliquer ce qui s'est passé quand Jarrett Stidham est rentré dans le match. Il a fait une drive, 61 verges sur sa drive, trois passes, boum, boum, boum, touché. Pas parce que Stidham est fantastique, mais c'est que la défensive s'est pas ajustée quand Stidham est rentré. C'est qu'ils ont passé le match à jouer contre du read option, à mettre tout le monde à la ligne de mêlée. Puis là, ben, tu couvres à un contre un. C'est que même si les receveurs des Patriots sont pas les meilleurs, il n'y a plus de safety pour couvrir des zones profondes. Si Newton était le moindrement capable de lancer le ballon comme il faut, ça donnerait des points. Mais il n'y arrive pas, il y a de la misère. Puis, écoute, par contre, écoute, l'équipe a l'air de s'être soudée autour de Ah, c'est du lui. Belichick, hein. Puis Bill Belichick, à quelque part, à la fin, regarde depuis quelques années, Belichick, et ça commence toujours moyen, puis ça finit toujours fort. C'est Oui. du Bill Belichick, puis ils sont pas encore. Regardez le calendrier, ça va être très difficile. On se contente pas d'histoire pour les Oui, séries. non, Ils non, non, affrontent les oui. Bills, ils affrontent les Dolphins, ils affrontent les. Je pense qu'ils vont gagner contre les Jets, et ils affrontent les Rams à Los Angeles jeudi soir. Je pense qu'ils vont perdre, Oui. ils vont perdre également. Donc, mais quand même, d'avoir une fiche pas loin du 8-8 avec 7 joueurs défensifs, c'est encore du grand Bill Belichick. Qui aurait pu. 8 joueurs défensifs, c'est incroyable. Là. Ah non, c'est clair. Mais je veux juste dire deux petites choses. Sur le calendrier qui reste, la situation est pas belle, comme tu dis, ça serait, mais les Patriots ont quand même à quelque part leur destin entre les mains parce qu'ils ont le bris d'égalité contre trois des équipes. OK. Donc, ils ont le bris d'égalité contre Las Vegas. Ils ont le bris d'égalité contre les Ravens. Et surtout, la dernière place qui donnerait accès aux séries, c'est les Dolphins. Et les Dolphins, cette semaine, vont jouer contre les Chiefs. Donc, ils risquent de perdre. Et la semaine prochaine, c'est Pats Dolphins. Et si les Pats gagnent à égalité avec les Dolphins, tout en ayant le bris d'égalité. Wow. Alors, devant les Dolphins, le bris d'égalité au football, c'est tout. Alors, parce que les Pats ont le bris d'égalité jusqu'à date, c'est pas fini. Ça prendrait un petit miracle. Mais ça prend surtout au moins 3 victoires sur 4, c'est un minimum. Dont les 3 matchs intra-division. Dans le fond, il faut que tu gagnes tes 3 matchs intra-division. Puis, c'est ça. Il n'y a plus de marge de manœuvre, mais c'est pas impossible qu'ils jouent comme ils l'ont fait dimanche. Mais je peux te dire, du côté défensif du ballon, Josh Uche a joué un match extraordinaire. C'est une recrue. Autant, écoute, la classe de cette année, là, Uche, qui en était à son 2e ou 3e match parce qu'il était blessé en début de saison, c'est un secondaire pour ceux qui le numéro 53, là, il a été, c'est un choix de 2e ronde cette année. Il a été fantastique. Il a joué un match, wow, tu sais, tu dis, c'est ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un jeune de ce calibre-là. Carl Douglas joue très bien. Même Anthony Jennings, ça, c'est 3 choix de cette année en défense, joue très bien. Michael Omenou sur la ligne à l'attaque est un super bon jeune joueur de ligne à l'attaque. Donc, les 2 tight ends qui ont repêché sont pas bons là, jusqu'à date, ils n'ont rien fait, mais ouais, ils ont quand même une couple de bons choix. On dit que ça prend quand même un certain temps avant de développer un bon... Oui, il faut être patient. Je suis surpris du travail. Puis, écoute, la semaine dernière, 84 verges par la passe. Cette semaine, pas 184, mais 84. Ouais. Cette semaine, 69 verges, donc ça fait 150 verges en 2 matchs, incroyable. Mais tu as 2 victoires. Ouais. Imagine-toi, c'est sûr que les receveurs de passe, Dani, ça aide pas. C'est sûr que l'aspect read option, les défensives adverses ont vraiment peur que Newton court avec le ballon, c'est que ça crée de l'espace pour les porteurs de ballon. Donc, il y a tout un aspect de Newton qu'il faut quand même lui reconnaître, là, que il crée de l'espace pour les autres. Parce que quand il fait sa feinte de course, ça crée de l'espace dans le milieu, puis ça donne de la place à Damien Harris ou Sonny Michel, qui a joué un bon match aussi, là, même si la défensive adverse est loadée sur la ligne de mêlée. Donc, tu sais, c'est pas... Il n'y a pas que du négatif là, concernant le jeu de Cam Newton, mais c'est sûr que c'est... On réalise que les Pats sont probablement une meilleure équipe qu'on pensait s'ils avaient quelque chose de valable à la position de corps arrière. Tu sais. Ouais. Très intéressant, je reparle vendredi pour la chronique NCAA. Excellent, merci. De BTNFL.com.